Let's go. Rail suprême. 12h, DJ Case, ambiance avec tous les sons du moment. C'est Skyrock. Are you ready? Skyrock, le dimanche soir, vous le savez, votre rendez-vous, c'est avec DJ Case. Yes. Bonne année, Case. Bonne année parce à vous que tous. Je n'ai pas encore eu bonne année, de Fred. Te souhaiter en direct. Direct. On entame la troisième année, donc c'est vraiment un kiff. Et on revient tout droit du Maroc avec de la news, de la fraîche. C'est vrai. Et on revient aussi d'Afrique. Donc parce que dans une grosse demi-heure maintenant, après la première session, Franco sera avec nous. Franco, monsieur Franco avec son tube Coller la petite. Coller la petite. Voilà. Ah, et ça arrive. C'est lui qui va ambiancer d'ailleurs la fin de Rail Suprême. Il nous offrira aussi un petit showcase tout à l'heure, à pas louper. C'est ça, exactement. Pour la France entière, vous allez kiffer. Voilà, exactement. Pour la petite histoire sur la bande FM, pour la première fois, c'était passé sur notre émission Rail Suprême. Donc c'est avec un réel plaisir qu'on l'accueille. Dans un deux instant. Ou trois mois après, je sais pas, mais en tout cas, c'est un kiff de le recevoir en début d'année. Et tout à l'heure, il va déchirer ça. Et rendez-vous tout à l'heure. D'ici là, on est parti avec une nouvelle session avec direct, des nouveautés. Nouveauté, ouais, on va s'éclater là. Allez, c'est parti, Case, coup d'envoi. Mamacita de la Rosa, une jolie beauté comme Rosa Acosta. Rail suprême. DJ Case, ambiance avec tous les sons du monde. Skyrock. Elle est chevrée, c'est de la peau frais. C'est toi que je veux chérie, y'a pas d'à peu près. Je vais réussir ma vie avec ou sans toi. Je veux que tu sois mon bébé, je te mette la bague au doigt. Laisse-les parler, je sais qu'elle te jalouse. T'es ma chantier, moi je suis ton jaoul. J'ai fait des fois dans ma vie, mais oublie mon parcours. Je serai toujours là pour toi, on se fera la guerre et l'amour. Des fois tout ira mal, donc on va se taper. Et en temps de guerre, on se fera des bébés. On va s'aider, se trahir, se haïr, se chérir, se soutenir, mais s'aimer. Il aimait à la mort, elle aimait à la vie. Il vivait pour elle, pouvait mourir pour lui. Il a trompé, elle a quitté le navire. Son cœur est en chute et son bateau chavire. Il aimait à la mort, elle aimait à la vie. Il vivait pour elle, pouvait mourir pour lui. Mais il a trompé, elle a quitté le navire. Son cœur est en chute et son bateau chavire. Rosa, rosa, rosa. Rosa, rosa, rosa. Rosa, rosa, rosa. Elle a fait pleurer. j'suis traumatisé. Faut que j'la pète donc j'vais pas trop teaser. J'y vais, j'me calme, j'vais pas trottiner. J'fais genre attitude, merde, deux doigts de queenie. J'fais tour des maquerelles et j'me renseigne sur elle. Si ça devient réel, les scènes sont censurées. Monsieur, calmez-vous, pas le temps pour les querelles. Tout concurrent sera éliminé. Elle fait mal. Sexy, élégant girl, pour elle c'est normal. Son charme fait de nous des sons. Rail suprême sur Skyrock. Elle sait comment mener les hommes, pour elle c'est normal. Cette femme, elle vaut des villes et des sons. Cette goût me rend fou. T'as vu le bruit qu'elle a. Cette goût me rend fou.

phénomène, ça rend toujours élégant. Demande à Justin, on est toujours dans les temps. Mais peu importe si tu m'aimes, moi que le son vient dans mon camp. Y'a trop de jalousie, à ce qui paraît je te dérange. On s'enjaille sur tes DJ case. À fond dans la caisse, à fond dans la tête. T'es les charges sur ton tel. Toi t'es plus le même, je crois t'es plus d'elle. Oh les problèmes. Appelle-moi pour un FIFA, appelle-moi pour un foot. T'en fais danser les défenses, nous on fait lever la foule. Bouge ton bassin sur l'épaule, c'est comme ça chez nous. Je te donnerai bien mon phone, mais ton père me regarde chelou. Miss c'est trop belle, j'ai tout mal imaginé. Sur le dé, tout est validé, validé. Si il va bien, j'ai besoin de m'évader. Mojito à la main, calé sous les palmiers. Je les entends parler, ouais, allez, allez, allez. Pas que ça perd moi, allez, allez, allez. Je crois que je vais m'en aller, moi, allez, allez, allez. Salam, salam, allez, allez. Bientôt ne collège. Oui. Ou bientôt ne collège. Y'a pire, bientôt ne collège. What else? Quadé. Ou bientôt ne collège. Oui. Bientôt ne collège. Ah bah. Ou bientôt ne collège. Memma wo ni pe biembu wa bomfia ahopo pro mo ye nyina bo huntia oye wo tamfo ja no manimbia yambu wa mu amunsi na bompia se wo pe mo ani o me nyina edi nana nyame ni awaka no ne bebe mo se wo ma musa swa bi ponyi na tutu so my body don't lose guard ka wa ko ma doye. Everybody sing it, hallelujah. Hallelujah. Everybody sing it, hallelujah. Hallelujah. Happy single. Oh yeah, yeah. Say happy single. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Let it be go. Let it be go. Est à l'ouest, dans tous les mariages, elle rend fou les hommes. Danse comme une vraie déesse.

Sky Suprême, minuit 2h, avec Fred et DJ K sur Skyrock. Les fruits, les murs au bout de miel, ma vie, Aïcha, si tu m'aimes. تمنيت نعيش معك غير انتي عايشة عايشة والقلب انشاق عايشة عايشة اكتبت موا عايشة عايشة طن بابا عايشة عايشة لسه انتو بي عايشة عايشة قبلو Shawi. Danse comme un Shawi. Je rentre dans la boîte de nuit. Maintenant tu connais les dézènes. Tu vas faire la guerre avec tes bouteilles. Mon pote on va vider la réserve. Ce soir tout le monde est bon. Il danse les bras écartés. Y'a les mistos qui campent, qui font tout pour que vous les regardiez. La crime, la J. On veut délover, délover. On n'a rien à prouver. Trop qui sont mauvais, qui rêvent de me crever. Danse comme un Shaoui, danse comme un Kamin. Danse comme un Oroné. À la fin de la soirée, c'est celui qui a bu le plus qui va vous ramener. Danse comme un Shaoui. Danse comme un Shaoui. Première session, Case. Eh oui. Fou. Ah ouais. Je m'en suis parmi, j'en ai perdu des cheveux. Je t'ai dit, on est en forme. Bon, et on est en forme et on accueille monsieur Franco qui est là. Franco. Comment va Franco? Il va très bien. Franco va en bien. Pleine forme. Ouais, ouais, super. On va coller la petite. Ouais, forcément. Est-ce qu'on va... Il a un petit peu froid. Est-ce qu'on va coller Case? En tout cas, c'est pas moi. Ah ouais. C'est mes platines qui vont me coller. Bon, ben merci en tout cas d'être là dans ce rail suprême. Un rail suprême, donc en effet, qui va s'élargir à l'Afrique en général, puisqu'il va y avoir une session que tu vas ambiancer tout à l'heure. Ouais, ouais. C'est ouais. Quoi, Case? Qu'avec des sons africains notamment c'est ça, là, que dans... des gros morceaux. Ouais, dans même pas 2-3 minutes, on va faire une grosse session un peu afro. Vraiment qui bouge, soirée, clubbing, et là il va avoir un peu la casquette du MC, ambianceur. Voilà. Tu sais faire ça, Franco, tu peux nous ambiancer ou pas? Ouais, ouais, c'est déjà, il y a le fait, pardon. C'est dans le sens, ça, c'est dès la naissance. Et après, il nous ferait un petit live. J'ai envie de dire un showcase que tu vas offrir aux auditeurs et aux auditrices de Skyrock. Ouais, ouais, je suis prêt. Et bah écoute, coup d'envoi, on continue? Oui, là, allez, là ça va être très très chaud. Là. Et là, préparez-vous, ça va être bouillon. J'attends une affaire de ma mère. Mon ami, je dis, tu ne vois pas les filles. On t'invite à un joker et toi, tu viens pour taper les styles. Je wonder sur toi, mon ami, il y a quoi? Si tu n'avais pas envie d'un joker, Mola, il fallait rester chez toi. Faut pas nous gâter la fête, hein. Faut pas nous prendre la tête, hein. Yes. Depuis je te vois, on dirait que tu n'as pas l'air dans ton assiette, hein. Tu peux toujours aller te coucher. Parce que ici c'est la fête et tout le monde a l'obligation de bouger. On est là pour s'amuser, on est là pour s'enjailler. Même juste la police ne va pas nous arrêter. C'est jusqu'au matin qu'on va travailler. Yes. Il y a beaucoup de petites. Fais ton choix. Si tu ne sais pas comment faire, un mot là, fais comme moi. Récupère la petite. Yes. Angoisez la petite. Chut. Embrouillez la petite. Et maintenant collez la petite. Carmé. Te trompe pas, DJ Case, on ne se comporte pas. Chez nous le lait ne se donne pas. La vie appartient à ceux qui ne dorment pas. Amuse-toi mon ami, et surtout arrête de cogiter. La vie est tellement belle, si tu as l'occasion de fêter, faut en profiter. Sky, y'a les filles androïdes, yes. Y'a les filles Choco Franco. Il y a toujours de l'as, les Manchacha et les Matongo. Il y a toujours de Lolo, oh. Les babouches et les pointus. Même si tu choses de 80, mon frère, aujourd'hui tu vas trouver ta pointue. Yes. Choisis ton couloir, tous les parties, choisis ta petite. Mange-la avec appétit. Et si tout montre-lui que tu n'es pas un petit. Oh. Et lui t'envoie le lait. Aujourd'hui c'est la finale. Mais avant de la coller, attends d'abord mon signal. Non. Récupère la petite. Yes. Embrouillez la petite. Oh. Embroisez la petite. Et voilà. Maintenant coller la petite. Oh. Coller, coller, coller, coller. Go. Coller la petite. Suprême, 2 heures. C'est toi qui se sert. Je danse ma chose, tu te mets à rire. Tu ris ta mère. Tu veux faire la morale à qui? Mouf, tu es mon père. Quand j'ai déjà vu mes pieds, mon frère, est-ce que je bougeais? Ça sent comme ça sort. Mon ami, ça sent comme ça sort. Je tombe en coup comme Anibela et je descends en panga. J'ai des jambes comme Vali, mon ami. Mais rien on ne ressort. Je ne contrôle plus mon corps. DJ, tu veux ma mort. Mon ami, quand je me fâche, je me lâche. Plus rien ne me fâche, je crée mes propres piches. Et si mon voisin fait un wake me wanna move, je m'en fiche, je triche. Quand je me fâche, je me lâche. Plus rien ne me fâche, je crée mes propres piches. Et si mon voisin fait un wake me wanna move, je m'en fiche, je triche. Deuxième casier, on est déjà avancé. On veut déjà déranger. On commence à se rappeler comment on dansait le zengue. Zengue, zengue, zengue, zengue, moto. 237. Oh, Bozo. À l'époque de Zélé, Copeda, Opica, Copeda, Opicasso. Malandro, Mamboulet, Xavier Lagaffe, tu connais. Yes. Mignon Cité, Kiwaston, tu connais. 237. Danser des sorciers, les apotos, tu connais. Ndombolo, Makosa, Bikuti, Pango, Mouf. Quand on a déjà bu nos pieds, tu connais mon ami. Ça sent comme ça sort. Ça sent comme ça sort. Ça sent comme ça sort. DJ Kate. Ça sent comme ça sort. Skyrock. Ça sent comme ça sort. Ça sent comme ça sort, mon ami, ça sent comme ça sort. Ça sent comme ça sort, ça sent comme ça sort. Ça sent comme ça sort, ça sent comme ça sort. Oh yeah, body. Oh yeah, move body. Make you ring alarm. Naija, sexy on Naija. Oh yeah, shake body. Feel me now, cause I get some money, then they feel me now, ha. Back then they do me anyhow. I don't get some money, they wanna get down, ha. They wanna hold me for ransom, cause I'm young and I'm rich and I'm handsome. They wanna know where I come from, I they run things from Lagos to London. Okay. All the blessings and love I they see, just they make me they shout hallelujah. I say all the blessings and love I they see, just they make me they shout hallelujah. They hold me for ransom, cause I'm young and I'm rich and I'm handsome. Shake. They wanna hold shake me for ransom, cause shake I'm young and I'm rich shake and I'm handsome. Oh yeah, shake body. Oh yeah, move body. Make you ring. Coucou tout le monde, c'est DJ Kays. Retrouve-moi tous les dimanches soirs à partir de minuit pour Rail Suprême. On Skyrock. Skyrock. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Yes. Yes. Parisien, les Champs-Élysées, t'as ça toi, Marc de Triomphe, t'as ça toi, le Trocadéro, t'as ça toi, la Tour Eiffel, est-ce que t'as ça toi, t'as ça toi, t'as ça toi. Oh, Suprême. Minuit, 2h, DJ Case t'ambiance avec tous les sons du moment. C'est Skyrock. Salut tout le monde, c'est DJ Kaze. On se se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rai Suprême. La sauvage, je connais plus l'échec. Je connais plus l'échec. Toujours titulaire comme Keita Sheik. Les négros en demandent. Passe un coup de fil, y'a des peu frais sur que moi. Tu me vois sur les réseaux, tu t'aimes mes clips. Tu dis que c'est la merde parce que voir que je te démonte. Je suis toujours en l'air. Yes, ce bâtard, je le sens pas. Oh, tu te butes à la Yoka. Skyrock, on se bute à la peuf. C'est la Champions League. 7-5, c'est la Champions League. 9-1, c'est la Champions League. Oh. 9-2, c'est la Champions League. 9-3, c'est la Champions League. Champions League. 9-4, c'est la Champions League. 9-5, c'est la Champions League. Champions League. 7-7, c'est la Champions League. 7-8, c'est la Champions League. C'est la Champions League. Panam, c'est la Champions League. Fuck, c'était pas de ma team. Panam, c'est la Champions League. On pêche sur Champions League. Panam, c'est la Champions League. Fuck, c'était pas de ma team. Rai Suprême, 2h, DJ Case, t'ambiance avec tous les sons du moment. C'est Skyrock. Chap in a bando, I don't wanna look like you. Young nigga with a Rambo, you be getting choked right through. Flow. Gotta have scrams in a block car, you know what a hood might do. Dope. On my 150 niggas trap car, we don't wanna look like you. Chap chap in a bando, I don't wanna look like you. Chap chap in a bando, I don't wanna look like Niger. You. Lagos. Bando, I don't wanna look Nigeria. Like you. Chap chap chap. T-Bench. Look like you. Yes. Okay. Comme recommande ennemi. Victoria Secret, le boudin de Sunny, t'as un style illicite. Quand tu m'envoies des photos, je zoome sur tes fesses. Je suis avec mes potos, rame toutes les tigresses. Fais pas ta Beyoncé, j'ai pas le compte à quart d'heure. Tu vas finir poncé, je ne dure pas qu'un quart d'heure. J'aime quand tu danses ta Zumba, j'en fais de Sao Paulo. Mais mon pote Charumba, yes. Parce que t'es une choroto. Le ramadan est fini, tu peux refaire ta folle. Enchaîner les garetti et les bouteilles d'alcool. Je te paye un jean Philippe plein, yes. Mais ma chérie faut le remplir. Si t'as encore un philippin, yes. Pas un euro je vais sortir. Au pire il me reste mes mains, man. Et des photos de Rihanna, oh. Quelques rouleaux de sopalin, yeah. Et je suis à Punta Cana, okay. Soir sur Skyrock pour Rai Suprême. Stop it. DJ Case. Oh, Skyrock. I'm in love with the coco, coco. I'm in love with the coco, coco. I got it for the lolo. I'm in love with the coco. Yes. I'm in love with the coco, coco, coco, coco. DJ Case, t'ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Coco, coco.

Jérôme, quelle ambiance. Franco, tu vas prendre ma place. Ouais, c'était je pense que je suis cuit pour les prochains Rails Suprême. Bon, merci en tout cas Franco d'être là. Ah, c'est un plaisir pour moi d'être là. On rappelle un petit peu aussi ton actu, où est-ce qu'on peut te trouver actuellement dans les bacs? Ou alors en digital aussi pour le morceau Coller la petite. Bon, partout dans la toile on peut retrouver le titre. Il fait déjà un bon bout de chemin. Ça marche fort. Allez partout, tapez Franco, Coller la petite. Partout. C'est partout. Et qu'est-ce qui va se passer pour toi durant cette année 2016 alors Franco? Pas mal de spectacles. Notamment je suis ici pour ça. Ici en France, et il y a pas mal de showcase, pas mal de dates quali déjà avec mon équipe. Donc ça va se passer. Est-ce que tu as aussi une petite dédicace particulière évidemment à passer à nos amis camerounais qui vivent ici en métropole? Je leur dis tout simplement que je suis là et que je leur dis aussi merci pour leur soutien. Ouais, ils les représentent bien d'ailleurs. Ouais, ouais. Voilà. Et c'est vrai que ça a poussé aussi pas mal, hein, parce que moi je recevais beaucoup de messages de potes camerounais qui me disaient « Je connais pas ça !» et qui se passait juste le morceau et il nous a fait découvrir le morceau. Donc ça a aussi beaucoup boosté dans Rails Suprême avec DJ Case. Ouais. Je dis merci à toute l'équipe. Merci à toi. Bon Franco, est-ce que tu peux maintenant justement, pour régaler tout le monde et pour finir ce Rails Suprême en beauté, offrir Showcase? Showcase. C'est comme si par exemple on allait te voir en spectacle, quoi. Ça va être un peu la même ambiance, non? Exactement. Ouais, ça va se passer. On aura l'occasion de découvrir Franco en live. Et bah alors allons-y. Coup d'envoi, Rails Suprême, Franco au micro, Case au platine. Rails Suprême, 2h, DJ Case, t'ambiance avec tous les sons du moment. C'est Skyrock. Ok, Franco, et Tchakala va vauver. Yes, mon ami, j'ai dit. Skyrock. Yes, yo, mon ami, j'ai dit. Tu ne vois pas les filles, on t'invite à un joker et toi tu viens pour taper les styles. Je wonder c'est toi hein, mon ami à quoi? Si tu n'avais pas envie d'un joker, Mola, il fallait rester chez toi hein. Et faut pas nous gâter la fête hein, et faut pas nous prendre la tête hein. Et depuis je te vois, on dirait que tu n'as pas l'air dans ton assiette hein. Et papa, si ça ne va pas, tu peux toujours aller te coucher. Parce que ici c'est la fête et tout le monde a l'obligation de bouger. On est là pour s'amuser, on est là pour s'enjailler. Même la police ne va pas nous arrêter, c'est jusqu'au matin qu'on va travailler. Il y a beaucoup de petites, fais ton choix. Si tu ne sais pas comment faire, un mot là fait comme moi. Oh, récupère la petite, angoisez la petite, placez la petite, et maintenant collez la petite. Co, co, co, co, co. Collez la petite, co, co, co, co, co. Collez la petite, zang, zang, zanga, zang, zanga. Zanga la petite, zanga la zanga la zanga la zanga la zang. Zanga la petite. Qu'on ne te trompe pas, dans la fête on ne se comporte pas. Chez nous le lait ne se donne pas, la vie appartient à ceux qui ne dorment pas. Amuse-toi mon ami, et surtout arrête de cogiter. Et la vie est tellement belle, si tu as l'occasion de fêter, faut en profiter. Y'a les filles androïdes, hein, y'a les filles chonko. Y'a tout Jadolas, les Majanja et les Matongo. Yo, y'a tout Jadololo, les babouches et les pointues. Et même si tu chausses le 80 mon frère, aujourd'hui tu vas trouver ta pointue. Choisis ton couloir, vous n'êtes pas dit choisis ta petite, mange-la avec appétit. Et surtout montre-lui que tu n'es pas un petit. Ne lui donne pas le lait, aujourd'hui c'est la finale. Mais avant de la coller, attends d'abord mon signal. Récupère la petite, angoissez la petite, embrouillez la petite. Et maintenant collez la petite. Go, go, go, go, go, go, go. Collez la petite, go, go, collez, collez, collez la petite, zang, zang, zanga, zang, zanga, zanga la petite, zang, zang, zanga, zang, zanga, zanga la petite. C'est ta soeur, c'est ta cousine, c'est ta tante, Aka, collez la petite. Même si c'est ta soeur, même si c'est ta cousine, même si c'est ta tante, c'est d'abord la fête, t'as qu'à coller la petite. Yo, ce soir c'est la dégaine, fais bouger ton corps, le mouvement est trop chic. Et viens sur la piste de danse, ne perds pas de temps, car ce soir ça va trop vite. Je t'assure ici, tout le monde est fou. Tu sais, chez nous, l'ambiance est super cool. Et mon ami, coller la petite, et montre-lui que tu dépasses même les super glue. Le show est activé, faut pas paniquer. Le DJ est appliqué, il est qualifié. Ce soir tu vas kiffer, aujourd'hui c'est interdit de se fatiguer, ça tu le sais. Alors amène tes potes, on va s'amuser jusqu'au bout de la nuit. Mon ami, coller la petite, c'est elle qui va te faire oublier tes envies. Oh, récupère la petite, angoissez la petite, embrouillez la petite. Maintenant, collez la petite. Go, go, go, collez, collez, collez la petite, collez, collez, collez. voler la petite. Zanga, zang, zanga, zanga la petite. Zang, zang, zang, zang, zanga, zanga la petite. Orge Music, juste entre les cordes. Skyrock, Franco, et chocolat ma bobe. Yes, chocolat ma bobe. Chocolat ma bobe. Yes, voler la petite. Rail suprême, minuit, 2h, DJ Case, ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Ça sort, ça sort. Je porte mon pantalon. Je suis debout, c'est toi que ça sert. Je danse sur ma chanson. Tu te mets à rire, tu guides ta mère. Tu veux faire la morale à qui? Mouf, tu es mon père. Quand j'ai déjà vu mes bières, mon frère, est-ce que je bougeais? Ça sent comme ça sort. Mon ami, ça sent comme ça sort. Je tombe en bout comme Annie Bella et je descends la Pango. J'ai des jambes comme Fanny. Mon ami, mais rien moi le ressort. Je ne contrôle plus mon corps. DJ, tu veux ma mort? Mon ami, quand je me fâche, je me lâche. Plus rien ne me fâche, je crée mes propres biches. Et si mon voisin fait un wake, il me wanna. Mouf, je m'en fiche, je triche. Quand je me fâche, je me lâche, plus rien ne me fâche. Je crée mes propres biches. Et si mon voisin fait un wake, il me wanna. Mouf, je m'en fiche, je triche. Deuxième casier, on est déjà avancé. On veut déjà dérager. On commence à se rappeler comment à l'époque on dansait le zengue. Zengue, zengue, zengue, zengue, moto. On se rappelle comment on dansait le pédalé. À l'époque de Zélé. Copéda. Péda. Pika. Péda. Copéda. Opika. So. Malandro Maroulé. Zadier Lagaffe, tu connais. Mignon Cité. Tu connais. La danse des sorciers. Ezaboto, tu connais Dombolo, Mako, Sabikuti, Pongo, Mouf. Quand on a déjà bu nos pieds. Tu connais mon ami, ça sent comme ça sort. Ça sent comme ça sort. Ça sent comme ça sort. Ça sent comme ça sort, laisse le man, ça sent comme ça sort. Ça sent comme ça sort. Mon ami, ça sent comme ça sort. Skyrock. Ça sent comme ça sort, laisse le man, ça sent comme ça sort. Et ça sort, ça sent, laisse le man, ça sent comme ça sort. Ça sort, ça sent, laisse le man, DJ Kai. Joker, tu vois un gars en train de danser. Par sa manière de bouger, tu peux déjà deviner quel est son métier. Le Vénisé danse comme s'il était en train de scier. Scier, scier, scier, scier le bois mort. Le mécanicien danse comme s'il était en train de visser. Visser, visser, visser, visser le moteur. Le persiquineur danse comme s'il était en train de filer. Filer, filer, après on attend seulement. Il a déjà cogné. Ouais, écarté, écarté. Passer. Le bâtard veut danser. Même si le DJ, on n'est pas vos histoires que vous appelez Beyoncé. Minuit, 2h, laissez passer. La matin va vous montrer. La mère tu connais. On mixe le R&B, toi tu danses le 20 de talent. Et Marie, ça sent comme ça sort. Ça sent comme ça sort. Mon ami, ça sent comme ça sort. DJ Messa, Dombolo, Makosa, Bikuti, Pongo, Mouf. Quand on a déjà bu nos pieds. Tu connais mon ami, ça sent comme ça sort. Ça sent comme ça sort. Ça sent comme ça sort. Ça sent comme ça sort. Laisse le main, ça sent comme ça sort. Et ça sent. Ça sent comme ça sort. Mon ami, ça sent comme ça sort. Ça sent comme ça sort. Laisse le main, ça sent comme ça sort. Et ça sort. Ça sent. Laisse le main, ça sent comme ça sort. Ça sent. Ça sent. Laisse le main, ça sent comme ça sort. Yes. Yes. Rico. Abidjan. Elle est belle, elle est... quand j'en parle. Salut tout le monde, c'est DJ Kaze. On se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rail Suprême. Quelle ambiance! Ouais. Eh ouais, ah là là, l'ambiance! Saveur du Cameroun. Et... Merci beaucoup, Franco, en tout cas. Ah, merci à vous aussi. Ça fait plaisir. On rappelle donc que Coller la Petite, on peut le trouver partout. Ouais, ouais, partout. Et partout. Puis en attendant donc la suite pour toi, Franco, hein, durant cette année 2016, c'est quoi? Il y a un album qui arrive? Y a... Ouais, justement, Coller la Petite, c'était en prélude d'un album qui se prépare très bien. J'espère que d'ici 2-3 mois, il sera prêt. Bon, en tout cas, t'as rendu, regarde tous les messages, tu as rendu des gens heureux ce soir. Ouais, c'est vrai que ça a défilé ce soir avec le hashtag Rail Suprême. Eh ben merci Franco. Merci à vous. Merci aussi à toi d'être passé ce soir dans Rail Suprême. Case, on continue encore un petit peu. Oui, chaud. On continue et il faut dire à Franco qu'il mette bien sa petite écharpe et ses gants parce que. Ah bah ici, ouais. ça change du Cameroun, non, un peu, non? Clair, clair. Au niveau température, ouais, c'est un autre truc quoi ici. Ouais, ouais, c'est un autre truc. Bon bah couvre-toi et puis quand tu vas revenir dans l'émission, il n'y a pas de problème. Merci Franco. Ok. Case, yes. Allez, dernière session avant de se quitter. Allez. On profite un petit peu de cette ambiance et on reste là un peu plus côté oriental, on revient un peu plus sur le Maghreb. Ça, ouais. Voilà, on va se faire un petit gros classique, des gros classiques rail, comme là on a mis un petit peu de tout et là on finit en beauté. Avec les gros classiques, Khaled, Faudel. On a voyagé un soir. Ouais, ce soir on était. On a pris l'avion plein de fois. On était bien. Allez, ça continue encore pour Rail Suprême, Case au platine. Allez. Dimanche soir, DJ Case te mixe tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. Skyrock. Yeah. من بكين شكي وأقول عنا شعبية الحالة قطعت بحور زمان يدور والغربة قد تالة من بكين شكي وأقول عنا شعبية الحالة بركانية العالي من اللي توحداني يغلب براني كثير أنا فكرت بلادي وعية النادي سهر ربي مرضى أنا بركانية العالي من اللي توحداني يغلب براني كثير أنا فكرت بلادي وعية النادي سهر ربي مرضى أنا انا غني انا نطير كي الحمامة يجي يوم سلهوم بلادي قمرة شعالة انا فرح وانا غني انا نطير كي الحمامة غاي سوبريم ميني دزر سو سكاي روك راس ولادي من نسى بلادي السهر ربي هون مدى انا بلادي بلادي نقولها والنادي ما عنديش من غيرها انا راس ولادي من نسى بلادي السهر ربي هون مدى انا entre Mohamed, Moussa et Abed. Trop fier d'être la fierté de mon bled. Salut au président, ça coule dans sang comme dans sang, puis en sang. J'ajuste la crosse en dansant, pensant au notre pays. Si avant l'âge tu vieillis, ils veulent donner des ordres, y'a que les vendus qui obéissent. Dans les gardes on s'éternise, on prend pas mal et Dieu râle. Les résultats sont cernés, c'est que des menaces qui font bras. Y'a pas le drap, pas le temps de délirer ou t'admirer. Tu menaces pas après, j'm'en irai. Vivant, limpide, vent, garder l'espoir. Comme nos grands-pères en première ligne, on défendrait l'histoire. On s'en pétard, les clés qui en transe. Pour ceux qui quittent leur famille en sanglant, rentrent en France. Pour les tiers là-bas, et se confie à ta l'infini. Tu sais que le chef des chefs, il s'appelle Husni. Cette ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Je suis centré.

عاش السيستم. Aïcha, écoute-moi.

ambiance avec tous les sons du moment. C'est Skyrock. On se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rail Suprême. T'es invité au mariage du plus vrai et de la plus fraîche. En mode oriental, palace, Dubaï, Marrakech. Bugatti, Bentley dans le cortège. Escorté par la pègre, bébé, que Dieu nous protège. Fuck mon ex et ses sortilèges et le cœur lège. Les anges nous enveloppent, ça vaut ce privilège. Prends ce billet de 500 pour essuyer tes larmes. Ta robe tue, elle est aussi blanche que mon arme. Ton mari vient de la rue, le costard taillé par une lame. On l'appelait déjà monsieur, demoiselle devient une dame. T'es plus une gamine, sape tes clubeuses de copines. Orgueilleux bousillé à la nicotine. Fais-moi confiance, tiens mon code PIN. Si tu me réveilles pour prier derrière moi, je dirai amine. Tu veux un enfant de moi, faut que t'en restes digne. Pour les jours où notre mariage aura une sale mine. Merci Case pour cette soirée, cette grosse soirée. Hein. Je suis encore en forme. Si je pouvais continuer, là, je... garde des forces. Bon, en tout cas, une première session tout à l'heure avec des nouveautés. C'est ça. Franco nous a rejoint tout à l'heure. Et puis on a fini donc en beauté avec un tiers tour en Maghreb à l'instant. Voilà, moi j'ai bien kiffé le show qu'on a fait tout à l'heure avec les sons afro. Afro voilà, ouais. Voilà, et puis même lui, il me dit tu connais ça. Donc pour lui dire qu'en France, voilà, on est. On suit un petit peu ce qui se passe en Afrique et ça fait plaisir de recevoir des artistes de sa renommée. Bon bah c'était encore une belle soirée Norail Suprême. Merci Case, encore la semaine prochaine. Allez, ouais, à la semaine prochaine. Ciao.